je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground ? Qui l'a développé ? Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bienvenue à Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Et pour ce nouvel épisode, nous allons parler des jeux qui débordent sur le réel. Et pour parler de ce sujet, je vais laisser Manu présenter l'invité du jour. Alors bonjour, je vais le présenter assez brièvement et puis on lui laissera surtout l'occasion de nous en dire un peu plus lui-même. Mais aujourd'hui, en tout cas, on a le plaisir de recevoir Eric Viennot, qui est créateur de jeux français. Il est connu notamment dans la sphère des spécialistes pour avoir été cofondateur du studio Lexis Numérique. On lui doit notamment l'album de l'oncle Ernest, mais aussi jeu qui nous intéressera beaucoup évidemment aujourd'hui, In Memoriam, et toute sa série, puisque comme on veut parler des jeux qui débordent sur le réel, bien évidemment, Eric Viennot, qui a été un peu précurseur dans le domaine des ARG, Alternate Reality Games, a priori un œil particulièrement intéressant là-dessus. Il s'intéresse aux transmédia depuis longtemps. Et puis aujourd'hui, effectivement, la technologie évoluant, je pense qu'il y a un regard à reporter là-dessus et à remettre en perspective. Alors bien évidemment, on va parler de jeux vidéo principalement, mais on fera probablement aussi un détour par le jeu de rôle, notamment le jeu de rôle Grandeur Nature, et puis aussi par le jeu de société, puisqu'il y a des choses qui se mettent en place, des choses qui se proposent de ce point de vue-là. Mais avant tout, on va pouvoir dire bonjour à Eric Viennot. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, on est ravis de te recevoir. Comme on le disait en préparation de ce podcast, la première question généralement qu'on pose à nos invités, c'est est-ce que tu peux te présenter ? Parce que moi, j'ai fait un petit tour très bref, très succinct, mais j'imagine que tu as peut-être un petit peu plus de choses à dire. Oui, alors je suis donc le cofondateur d'un studio qui s'appelle Lexis Numérique, qui a démarré en 1990, donc qui est un des plus vieux studios français. Et qui malheureusement s'est arrêté il y a 4 ans, si je ne me trompe pas, voilà, et qui a été surtout connu pour avoir développé pas mal de jeux pour enfants, effectivement. Tu as parlé des aventures de l'oncle Ernest, ça date un peu, mais il y a pas mal peut-être de vos auditeurs qui connaissent, puisque en général, les gens entre 20 et 30 ans ont joué pour certains d'entre eux à ces jeux de... quand ils avaient une dizaine d'années, quoi. Donc, et après, on a développé pas mal de jeux pour adultes aussi. Et parmi les plus connus, effectivement, In Memoriam, la série In Memoriam, dont on va sans doute reparler. Plus récemment, Altman, dont je suis aussi l'auteur. Et puis d'autres jeux dont je suis pas forcément l'auteur, mais dont j'étais ravi d'être le producteur, parce que j'avais un rôle de directeur de création au sein du studio que j'avais cofondé. Et donc, des jeux comme Expérience 112, qui a remporté pas mal de prix, un jeu assez atypique, mais très original, sur PC. Et puis, plus récemment, des jeux comme Red Johnson Chronicles. On a travaillé aussi un moment avec Paul Cuisset, le créateur de Flashback, etc. Donc, voilà, je crois qu'on a vendu en 25 ans, à peu près, plus de 10 millions de jeux. Donc, c'est pas mal. Notamment dans le domaine des jeux pour enfants, beaucoup de jeux sur DS en partenariat avec Ubisoft. Voilà. Et depuis 4 ans, je travaille en indépendant. Donc, je me suis effectivement beaucoup spécialisé dans les jeux maintenant urbains, les expériences urbaines. Ça déborde effectivement là aussi le domaine du jeu, parce que je travaille maintenant pas mal dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la culture, des musées, voilà. Donc, on n'est plus vraiment dans l'industrie du jeu à part entière, mais dans des expériences qui, à mon avis, vont devenir de plus en plus, je vois, se développer ce domaine-là qui intéresse énormément des acteurs publics, des acteurs privés, au niveau des régions, des villes, des états. Enfin, on peut vraiment créer des jeux autour d'événements, autour de lancements de films, autour de musées, de monuments, etc. Et donc, je travaille aujourd'hui dans ce domaine, également pas mal dans le domaine du documentaire, qui a toujours été une de mes... Enfin, mes jeux ont été étaient très souvent très documentés, que ce soit In Memoriam, Altman, je passais souvent une bonne année à me documenter sur des tas de sujets pour nourrir le récit, et surtout, parce que quand on travaille dans ce genre de jeu, il faut que tous les événements, voire même les personnages dont on parle, aient l'air crédibles. Et pour qu'ils aient l'air crédibles, il faut leur constituer un background sur Internet, à travers des sites et plus récemment des réseaux sociaux, pour que tout ça ait l'air crédible. Donc ça veut dire qu'il faut passer beaucoup de temps à se documenter sur des tas de sujets d'ailleurs passionnants. Plein de joueurs m'ont dit qu'ils avaient appris beaucoup de choses à travers mes jeux. Et je suis très heureux de ça, parce que je pense que c'est des outils extrêmement intéressants pour déborder du simple divertissement et pour aller vers le fait de découvrir des choses, de découvrir des paysages, de voyager. J'ai fait beaucoup de tournages en pas mal de pays à travers le monde, donc ça m'a permis aussi moi de voyager et de faire découvrir tous ces beaux endroits à des joueurs. Et par exemple dans Altman, il fallait vraiment qu'on soit extrêmement rigoureux quand on tournait à l'étranger, parce que les joueurs aujourd'hui ont la possibilité de comparer le moindre avec Google Earth, Google Street, etc. Ils ont la possibilité de comparer des lieux, et donc si on dit qu'on prétend qu'on est à Odessa alors qu'on n'a pas tourné à Odessa, automatiquement les joueurs vont s'en rendre compte, et ça va casser le fameux flow dont on parle quand on est créateur de jeu. Donc ça va casser la crédibilité du récit et de l'expérience. Voilà. Ça fait effectivement un programme bien rempli. Avant de plonger complètement dans le sujet que tu as déjà commencé à effleurer, j'avais juste une question relative à ton parcours. Toi, tu as un bagage originellement de plasticien. Comment est-ce que on passe des arts plastiques aux jeux vidéo au début des années 90 professionnellement ? Alors, j'ai fait des arts plastiques, mais j'ai toujours été passionné par l'informatique. Déjà, à l'université, j'avais pris une option informatique. À l'époque, on codait sur des énormes... C'était avant la micro-informatique, donc c'était dans les années... si je me souviens bien, au début des années 80. Donc, après est arrivée la micro-informatique, pendant les années 80, et j'ai acheté un Amiga 500, puis un Amiga 2000, et on a commencé à créer Lexis à partir de ce travail d'infographie. D'abord, on était un studio d'infographie. On a été parmi les tout premiers en France à développer des images, à créer des images en 3D. À l'époque, il fallait, rien que pour créer une image de 640-512 pixels, il fallait une nuit souvent pour lancer un calcul sur l'Amiga 500. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est une image qui se calculerait en quelques secondes, quoi. Donc ça a beaucoup évolué. Et donc c'est par ce biais-là que je suis rentré d'abord dans le domaine donc de l'infographie, puis après du multimédia, et puis des jeux vidéo. Et pourquoi je suis allé vers les jeux vidéo ? Parce que j'ai très vite considéré que le jeu vidéo allait être l'art du 21e siècle, comme le cinéma a été l'art du 20e siècle. Et donc, ce qui m'intéressait à travers notamment les jeux, c'était de raconter des histoires d'une nouvelle façon, avec des nouveaux outils, des histoires donc moins linéaires, plus interactives, plus participatives. Et voilà, mes études d'art plastique m'ont beaucoup aidé pour justement, c'est pas éloigné. Là, récemment, je travaillais sur mon site qui va être en ligne dans quelques jours là. Et donc je me suis plongé dans mes archives personnelles, et j'ai été assez sidéré par le fait que dans certains de mes ARG, par exemple In Memoriam, il y a des séquences qui ressemblent à des travaux de Land Art que j'ai fait 15 ou 20 ans avant. Enfin, c'est étonnant. Je pense que les arts plastiques m'ont conduit justement vers l'idée d'amener les jeux dans le réel pour cette raison-là, quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours été passionné par les expériences urbaines, tout ce qui est art urbain, art conceptuel, voilà. Donc il y a quand même un lien dans tout mon parcours assez évident. Très bien, merci du coup pour ce parallèle-là. Et du coup, moi, je voudrais rentrer un peu dans le vif du sujet, justement, en revenant sur le jeu Altmind. Donc, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, pour faire simple, c'est un jeu qui se déroule en temps réel. Ouais. En fait, je vais prendre ça comme principale caractéristique. Ouais. Et donc là, on rentre complètement dans notre sujet, qui est le jeu qui déborde sur le réel. Et je me demandais, comment ça t'est venu ? L'idée de développer un jeu en temps réel, mais en plus qui prend place sur le réel, notamment sur Internet, avec des sites qui existaient pour concrétiser le jeu. Alors, il faut d'abord partir de... Altmind est sorti en 2012, et bien avant, donc quasiment 10 ans avant, j'ai sorti In Memoriam. Et Altmind et In Memoriam, c'est la même filiation, puisque ce sont tous les deux des jeux en réalité alternée, et en fait ARG, hein, on utilise l'abréviation des ARG, et quand donc en fait la différence entre Altmind et In Memoriam, c'est qu'Altmind, quand In Memoriam est sorti, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, je parle en tout cas du premier en 2003, il y avait pas encore Facebook par exemple, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas tout ça, donc il n'y avait pas cette notion d'instantanéité de l'information qu'on a aujourd'hui. Et quand j'ai commencé à travailler, il y a eu un In Memoriam 1, après un 2 qui est sorti en 2006, et puis après j'ai commencé à travailler sur ce qui allait devenir Altmind. Et mon idée principale, quand j'ai travaillé sur Altmind, c'était l'idée, justement, alors que In Memoriam était un jeu, un ARG, mais qui se jouait à son rythme, avec des sauvegardes, c'était un jeu qui était édité par Ubisoft, donc c'était un jeu classique qu'on achetait en CD-ROM, et puis... On commençait sa partie, on enregistrait, puis après on laissait tomber le jeu, et même si on pouvait recevoir d'ailleurs des SMS ou des emails même quand on était déconnecté, mais disons qu'il y avait la possibilité de jouer à son rythme. Après, 10 ans après, je me suis dit on peut plus, enfin l'idée d'Altmind c'était de dire on va tenter le coup de jouer à l'heure des réseaux sociaux la carte du temps réel, en laissant la possibilité aux joueurs donc de rentrer, en donnant la possibilité aux joueurs de rentrer dans une histoire qui se déroule en temps réel. Et alors, il y avait des rendez-vous quotidiens, souvent le soir, entre 18h et 20h, mais l'histoire se déroulait en continuité. On pouvait y consacrer quasiment toutes ces journées, puisqu'il y avait un flux d'actu, comme sur Facebook, où on recevait des notifications toutes les minutes, mais au moins 2-3 par heure, donc qui nous informaient des derniers événements, avec des films, avec des liens vers des sites, avec des photos, des documents à lire, enfin c'était extrêmement foisonnant, et ça c'était extrêmement prenant, et donc l'idée c'était que l'histoire se déroule en temps réel pendant plusieurs semaines, et voilà, et l'idée c'était justement de mélanger ce qu'il y avait déjà dans Altmind, c'est-à-dire ce côté ouvert sur Internet, ouvert vers la réalité, avec le côté temps réel, le fait aussi de pouvoir sortir du jeu, sortir même de chez soi, et avec son téléphone mobile, avoir certaines missions, certaines quêtes qui se jouent avec les outils qu'on a aujourd'hui, comme la géolocalisation. Donc là, il y avait... un peu l'embryon dans certaines phases de gameplay de ce qui est devenu le jeu, par exemple Pokémon Go, voilà, il est d'ailleurs à la même époque, les créateurs de Pokémon Go ont sorti quasiment le même mois Ingress, qui est l'ancêtre de Pokémon Go, qui a évidemment moins bien marché que Pokémon Go parce qu'ils n'avaient pas la licence Pokémon, mais c'est un jeu qui a eu une certaine notoriété, qui est sorti en même temps que Altmind. Donc on voit bien qu'il y a eu il y a 4-5 ans, l'envie des créateurs de jeux d'aller de plus en plus dans le réel en utilisant les outils nomades, les tablettes, les mobiles, la géolocalisation, la réalité augmentée pour ce qui est Pokémon Go, ce que nous on n'avait pas. Alors on aurait pu le faire à l'époque, mais ça nous demandait, c'était Altman était déjà suffisamment chargé et riche, donc on ne l'a pas fait. Mais voilà, on voit qu'il y a une grosse tendance pour aller vers le sortir en fait les joueurs pour les emmener vers dans le réel, dans la ville, dans les campagnes, parce que notre jeu, il pouvait se jouer. Il y avait des indices qui étaient disséminés n'importe où dans le monde, comme dans Pokémon Go. Voilà. Alors, si Altman tire ses racines dans In Memoriam, d'où est-ce que vient In Memoriam? D'où est-ce que naît cette idée de dire à un moment, bon, je vais faire un jeu, mais les joueurs, ils vont se retrouver sollicités par le jeu, même quand ils ont l'impression d'avoir arrêté la partie? Alors, bah, ça vient en fait de mon expérience personnelle. J'étais très vite fasciné à la fin des années 90 par Internet. Hein. Je m'y suis mis très tôt, évidemment. Et ce qui m'a fasciné, c'est la possibilité sur Internet de se perdre, de trouver des infos parfois. Alors, ce qui va devenir d'ailleurs un sujet complètement d'actualité aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle les fake news. À l'époque, voilà. Déjà, moi, ça me fascinait que Internet soit à la fois un champ, une réalité alternée en quelque sorte, parce que on avait déjà les premiers sites d'entreprises, les premiers sites d'individus, etc. Donc c'était l'idée que les gens pouvaient avoir une identité sur Internet, donc qui soit plus ou moins crédible, plus ou moins en relation avec le monde réel. Et donc du coup, je me suis dit, il y a là la possibilité de créer un terrain de jeu. Le fait de surfer sur Internet, de se perdre, de trouver des informations parfois confidentielles, etc. Pour moi, c'était un outil d'enquête extrêmement fabuleux, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parti d'une expérience réelle. Je me suis dit, un jour, en recevant, en faisant une enquête sur un auteur qui m'avait envoyé un scénario, je suis tombé sur un homonyme et pendant plusieurs heures, je me suis amusé à jouer les détectives. Et de cette expérience est né In Memoriam. Je me suis dit, mais ce que je fais là, si j'arrivais à le scénariser, cette expérience que je viens de vivre, de jouer un peu les hackers, etc. Si je pouvais la scénariser dans un jeu, ce serait génial. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et d'où, après, la figure du tueur en série, sur lequel on enquête, à partir même de son propre jeu. Puisque l'idée d'In Memoriam, c'était que le tueur en série était un tueur en série geek, moderne, et il avait fabriqué lui-même une sorte de jeu vidéo. Il fallait, pour essayer de retrouver des gens qu'il avait kidnappés, accepter de jouer à son jeu et donc ensuite d'aller sur Internet, de chercher des indices sur des sites liés à différents sujets, etc., etc. De recevoir des emails, d'être plongé, non pas dans une réalité simulée comme dans la plupart des jeux, à travers un avatar, mais que on soit soi-même pris à partie, comme un peu dans un jeu de rôle. On joue là par contre son propre rôle, en donnant son email, en donnant éventuellement son numéro de téléphone, en acceptant cette convention, et ensuite c'est finalement le jeu qui vient dans la réalité du joueur. C'est pas le joueur qui, comme dans la plupart des jeux, rentre dans une réalité simulée. Là, c'est le jeu qui vient dans votre réalité et qui, comme on le disait tout à l'heure, est capable de vous rappeler que si vous avez joué le week-end et que le lundi vous avez oublié le jeu, ben le jeu il vous envoie des messages, en tout cas les personnages du jeu, qui sont censés être des personnages réels, vous envoient des messages en disant, mais qu'est-ce que tu fous, reviens vite nous aider à enquêter, etc. Voilà. D'où est venu le concept In Memoriam, enfin je simplifie, hein, mais et donc après Altman. Alors en parallèle, évidemment, quand j'ai fait ça, moi, je savais même pas ce que c'était un ARG. C'est-à-dire que les premiers ARG datent à peu près de la même période, puisque au moment où je travaillais sur In Memoriam, ça devait être 2001, j'ai commencé le concept d'In Memoriam en 99. Et à l'époque, le souci qu'on avait avec Ubisoft, quand j'ai commencé à travailler avec eux sur le concept, c'était, mais ça, je sais même pas si vous avez connu, vous, cette époque-là, c'était de se dire, est-ce que les joueurs auront suffisamment d'argent en termes de connectique pour pouvoir finir le jeu. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de forfait, il fallait payer. C'est les vieux modems, il fallait donc payer, je ne sais plus, à l'heure, enfin à la consommation, quoi. Et donc, on a anticipé le fait, deux ans avant, que le fait que la plupart des joueurs auraient des forfaits. On avait même prévu d'offrir, en partenariat avec des providers de l'époque, d'offrir un forfait pour pouvoir finir le jeu. Effectivement, ça nous replonge dans la fin des années 90. Alors, pour avoir connu justement dans les années 90 certaines réactions médiatiques à l'égard du jeu de rôle papier, justement, qui se souciait du risque de perte de distinction du joueur entre la réalité et la partie, est-ce que vous n'avez pas connu le même genre de réaction un peu épidermique en disant « si on n'a plus de distinction claire entre le jeu et la réalité, on risque de perdre pied ». Alors, depuis cette époque-là, je fais beaucoup de conférences. Encore aujourd'hui, il m'arrive de parler d'Inmemoriam, mais les gens sont assez surpris par la modernité de ce jeu-là, parce que c'était vraiment un des premiers jeux qui prenait en compte Internet dans son gameplay, enfin Internet dans le fait de l'Internet de l'information, hein, pas uniquement le fait de pouvoir jouer à plusieurs, etc. Donc, la plupart du temps, quand je présente ce genre de concept, la première question qu'on me pose, c'est « n'avez-vous pas peur ?» C'est toujours là. « N'avez-vous pas peur de que les gens, à un moment, jouent et confondent la réalité et la fiction ? N'avez-vous pas peur de susciter des vocations de tueurs ? N'avez-vous pas peur ?» etc. C'est toujours, voilà, ça fait très peur. Alors, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, ça a fait très peur. Il y a des gens, je me souviens, les premières conférences autour d'Inmemoriam, en plus je montrais une scène qui était assez violente d'emblée, waouh, c'était comme une gifle que vous preniez en pleine figure. C'était vraiment filmé un peu à la Blair Witch, hein, avec des outils très simples, caméra épaule, enfin c'était film amateur, etc. Donc il y avait un côté extrêmement gênant parce que c'était très ancré dans la réalité et la réalité du film amateur, etc. Donc il y a des gens qui me disait, mais vous êtes un homme dangereux, quoi. Je me suis fait quasiment insulter dans des conférences. Et pas que par des gens, on pourrait dire des personnes âgées, etc. Aussi par des professionnels du cinéma, notamment, qui me disaient, vous avez ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire que là, vous êtes fou, vous jouez avec des notions qui risquent de se retourner contre vous, etc. Donc, effectivement, alors je réponds souvent que, comme dans les jeux de rôle, il y a aussi l'idée du cercle magique, c'est-à-dire qu'à un moment, je dis toujours que j'ai jamais moi souhaité, contrairement à certains collègues créateurs d'ARG, de jouer totalement la carte de la tromperie, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu que les gens, quand ils jouent à Inmemoriam ou à Altman, ils savent à un moment qu'ils sont dans un jeu. Jamais été partisan de dire ceci n'est pas un jeu et on fait tout pour que ceci ne soit pas un jeu et que les gens ne savent pas qu'ils sont dans un jeu. Moi, j'ai toujours créé cet espace. Il y a un générique, il y a un logo, on lance le jeu, on voit Ubisoft qui s'affiche, puis après on rentre dans un espace magique, mais il y a bien la limitation. On sait qu'on est dans un jeu. Voilà. Après, je sais, pour avoir utilisé ces outils et avoir vu les réactions de certains joueurs, c'est des outils extrêmement puissants et qui pourraient être utilisés par des sectes, je me suis rendu compte de la force que pouvait avoir ce genre d'outils. Donc effectivement, je comprends aussi quelque part un peu les gens qui disent attention, mais encore une fois, enfin, vous qui êtes aussi des habitués des jeux de rôle, etc., il y a une convention que j'ai souhaité conserver, parce que je sais que si on ne la conserve pas, il peut y avoir dans ce cas-là, effectivement, des dérives et peut-être certains passages à l'acte suscités par le jeu, mais qui sont toujours, comme me l'ont dit souvent les psys qui ont fait des conférences avec moi, qui ne sont pas générés par le jeu, ça ne peut pas s'adresser, on ne peut pas transformer en tueur en série une personne juste en lui faisant jouer à un jeu, quoi. Ça c'est évident. Oui, c'est comme avec les livres, hein. Ça gêne parfois quand des jeunes ne font que jouer. Par contre, si on a un jeune qui ne fait que lire et qui ne parle à personne, c'est, ça inquiète pas, alors que le risque est le même. Hein. Oui. On peut trouver des belles choses dans les bouquins aussi. Oui, oui. Après, sans vouloir me comparer à Stanley Kubrick, à l'époque, quand le jeu est sorti, j'ai eu quand même peur. À certains moments, je recevais des colis bizarres. Enfin, voilà, il y avait... Ouais, non, c'est... Et donc, du coup, je me suis moi-même posé la question, mais est-ce que il n'y a pas un risque? Et je me suis souvenu justement de Stanley Kubrick qui disait que c'est pas aux artistes de s'auto-censurer. C'est les artistes, leur rôle, c'est s'il y a une violence quelque part, ils l'expriment à travers leur œuvre et elle est là pour poser des questions. Moi, je pense que mes jeux posent justement, mais peut-être qu'à l'époque j'en étais pas conscient, mais aujourd'hui, cette dérive qu'on appelle les fake news, enfin. Moi qui m'inquiète beaucoup en tant que citoyen, etc., par rapport à la politique, enfin tout ce qu'on a vu autour de Trump, des hackers russes, enfin de tout ça, ça me fait très peur. Et c'est vrai qu'à l'époque, ce jeu posait cette question de savoir quel est le degré de réalité de l'information que vous avez sur Internet. Voilà. Donc je n'ai fait que poser une question sans me censurer. Il y a juste eu une censure personnelle qui était le fait que comme j'étais réalisateur des films, je devais mettre en scène des meurtres et je ne pouvais pas mettre en scène des meurtres d'enfants. Je ne me voyais pas même maquiller des enfants avec du sang, quoi. Voilà, donc ouais. Ça, c'est une seule limite que je me suis donnée parce que je ne pouvais pas faire ça, quoi. Et c'est bien parce que j'allais juste demander, elle est où la limite? S'il y a une limite qui est dans ce cas-là seulement personnelle, ce qu'on peut faire, ou il y a une limite morale aussi dans ce cas-là, de ce qu'on peut présenter dans ce type d'ARG? La limite, c'est toujours, encore une fois, de prendre des précautions pour faire en sorte que les gens puissent eux-mêmes détecter le vrai du faux. C'est-à-dire que à un moment, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Dans In Memoriam, donc il faut le but du jeu, en quelque sorte, c'est de trouver le tueur. C'est de sauver des gens et d'essayer d'être plus fort que le tueur en série, donc de finir par découvrir qui est le tueur, comme dans tous les polars. Et à un moment, les joueurs, donc moi je suivais à l'époque, c'était sur les forums de jeuxvideo.com, je suivais l'avancée des joueurs parce que la plupart des joueurs les premiers joueurs qui attendaient le jeu l'ont acheté dès sa sortie, donc j'ai pu voir l'avancée des joueurs en temps réel quasiment la première nuit, les premiers jours où le jeu est sorti. Et à un moment, il s'est créé une communauté, qui s'appelait la communauté anti-Phoenix, puisque le tueur s'appelait le Phoenix, son surnom. Et donc du coup, j'ai pu voir qu'à un moment, ces joueurs qui s'étaient regroupés en communauté pensaient avoir trouvé l'identité du tueur. Et en fait, ils avaient posté un lien sur lequel je suis allé. Et malheureusement, c'était un lien d'un site, alors d'un type qui avait l'air complètement maboule, qui était avec des sabres, qui avait fait ça ressemblait vraiment à une secte, mais une secte assez bizarre autour d'un individu, d'une sorte de gourou avec des sabres et tout. Et ils pensaient que c'était donc lui le tueur. Et il a fallu leur dire, non, attention, là, on n'est plus dans le cadre du jeu, faites attention, voilà, là, il a fallu qu'on sorte à nouveau du cercle magique pour dire, je sais plus si c'est Ubisoft ou Lexis Numérique qui avait envoyé un message en disant, attention, ce site-là ne rentre pas ne fait pas partie du jeu In Memoriam. Voilà. Il y a eu aussi des excès assez marrant ou touchant, par exemple, à un moment, c'est une anecdote que j'ai souvent racontée parce qu'elle est extrêmement étonnante. Un jour, donc quand vous jouez à In Memoriam, vous avancez dans le jeu et vous recevez des emails au fur et à mesure que vous avancez. Des emails envoyés par des personnages, des faux personnages, qui sont censés donc vous aider, vous accompagner, vous donner des infos, etc. Et parmi ces personnages, il y avait une fille qui s'appelait Julie, qui était le compagnon, en fait, de chacun des joueurs. Julie Massenet. Cette fille, elle avait un rôle important, puisqu'elle avait fait des études d'histoire, elle connaissait plein de trucs, donc elle vous aidait beaucoup. Donc, quand vous jouiez à In Memoriam, vous pouviez recevoir facilement une dizaine de messages par heure de Julie. Et à un moment, donc Julie, c'est des messages qui étaient automatisés. Mais il y avait dans mon studio des personnes qui étaient payées pour répondre de manière personnalisée aux joueurs. Donc c'était étonnant parce que la plupart recevaient le premier message de Julie et envoyaient et répondaient en disant t'es qu'un pauvre robot, etc. Et en fait, Julie leur répondait. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu me prends pour un robot? Enfin voilà. Alors là, j'étais extrêmement surpris parce que effectivement, un robot qui répond de manière personnalisée, ça fait bizarre. Et donc du coup, ils entretenaient une relation épistolaire avec Julie. Certains même sont tombés amoureux sans savoir qu'au bout, de l'ordi, c'était un gros barbu chez moi qui envoie. Et en fait, donc cette Julie. Évidemment, ils n'étaient pas dupes, ils savaient bien que c'était un membre de l'équipe qui répondait. Mais un jour, on a ce barbu en question vient dans mon bureau et était très embêté. Il me dit, écoute, on a reçu le message d'une joueuse, c'est pas vraiment une joueuse, c'est une fille italienne, dont le copain joue à Immemorium, et voilà la lettre. Et il me lit la lettre, donc elle est adressée évidemment à Julie. Parce que cette fille voit des messages et elle dit, voilà, cher, bonjour Julie, il ne me semble pas que nous connaissons, mais il se trouve que j'ai accès à la boîte mail de mon copain et depuis, j'ai vu que depuis ce matin, vous lui avez envoyé plus de 30 mails sur des sujets qui me font un peu peur. Il faut que vous sachiez qu'entre lui et moi, ce serait sérieux. Et d'ailleurs, je suis enceinte de lui. Et en fait, on était vraiment embêtés. Et on se dit, mais comment on va répondre? Parce qu'il faut quand même la rassurer, cette fille. Donc, comment on répond? Et les premières réactions, c'était de dire, on va répondre. Mais bonjour, je ne sais plus comment elle s'appelait, Alexandra. Bonjour, ne t'inquiète pas, je suis un personnage d'un jeu vidéo. Enfin, un personnage d'un jeu vidéo ne répond pas comme ça. Donc, il fallait, à ce moment-là, on a pris le parti d'avertir Ubisoft, et c'est Ubisoft qui a envoyé un mail très officiel en disant ne vous inquiétez pas, votre compagnon joue à un jeu qui s'appelle In Memoriam, dans lequel il y a des personnages virtuels qui envoient des emails de manière automatisée, etc. Il a fallu vraiment qu'on envoie un démenti, mais voilà, des histoires comme ça, j'en ai plein les tiroirs, et c'est vrai que c'est super marrant de voir que la réalité, et que parfois il peut y avoir une incidence sur la réalité. Alors là, c'est une incidence. Il n'y a pas eu de divorce, j'espère. Il n'y a pas eu de. Je pense pas que ça ait eu des répercussions trop graves pour ce couple. Mais voilà, on se rend compte qu'il peut y en avoir, que des gens mal intentionnés pourraient provoquer des outils qui pourraient être utilisés de manière malheureusement pour des causes. Des causes politiques ou des causes terroristes, pourquoi pas, voilà. Avec le recul aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qui fait la spécificité d'un ARG par rapport à un autre jeu? C'est vraiment cet entremêlement à la réalité? Est-ce qu'il y a autre chose dans les gameplays? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont vraiment constitutifs de l'ARG? Oui, l'ARG, il mélange la réalité et la fiction, ça c'est la première constante. Il prend à partie le joueur donc par rapport à sa réalité, c'est-à-dire son adresse email, son numéro de téléphone. Donc il implique le joueur en tant que personne, non pas en tant que personnage à travers un avatar. Et puis surtout, il utilise tout l'imaginaire du net, donc qui est toujours en évolution, mais le côté hacker, le côté underground, l'internet, l'internet, comment on appelle ça, un peu caché, toutes les légendes autour des hackers, et donc tous les outils qui vont avec. Dans Altman, on a utilisé Deezer, on a utilisé, on se sert en fait de toutes ces technologies, et c'est marrant parce que je me souviens d'un article d'Erwan Cario dans Libération à propos d'Altman, où il disait, étonnamment, c'est quand on est dans le jeu, c'est-à-dire quand on est plongé dans les emails, dans les sites, dans les sur les réseaux sociaux, etc., qu'on est le plus dans la réalité, qu'on a l'impression finalement, quand on est aguerri à tout ce monde-là, qu'on est dans la réalité, alors que quand on est dans les films qui sont censés montrer la réalité, on a l'impression d'être plus dans une fiction. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que finalement c'est l'inverse d'un film où la réalité apparaît plus à travers tous ces outils qu'ont l'habitude d'utiliser les joueurs, tous ces médias qu'on met bout à bout et qui dans un ARG, la difficulté c'est de rendre tout ça cohérent. Finalement, est-ce que l'ARG, c'est pas au jeu vidéo plus traditionnel, ce que le jeu de rôle grandeur nature, c'est au jeu de rôle sur table un petit peu, c'est-à-dire que l'immersion du joueur prend une ampleur beaucoup plus considérable, notamment parce que on l'intègre en tant que personne et aussi avec son corps quelque part. Oui, c'est ça. D'ailleurs, moi, je suis pas forcément un adepte des jeux de rôle parce que je trouve que dans les ARG, il y a une dimension technologique qui fait que on est finalement, c'est encore plus, il me semble que c'est encore plus immersif parce qu'on est soi-même avec son email, avec sa réalité, on est soi-même dans une réalité alternée. C'est-à-dire qu'on n'a pas de déguisement, on n'a pas de, voilà, on est grandeur nature, voilà, on est soi-même dans la réalité. Et notamment quand on va en plus quand on va amener les joueurs à aller dans l'espace réel, là ça devient étonnant parce qu'on est soi-même enquêteur, on va rencontrer d'autres enquêteurs, et là il y a une dimension communautaire qui est très intéressante à étudier, c'est-à-dire que là par contre c'est l'individu qui se reconnaît à travers une communauté, et j'ai pu comme ça créer pas mal de rencontres dans l'espace réel, dans des bars, enfin dans de joueurs qui sont devenus des amis, qui sont restés amis 10 ans après. Je les vois toujours sur Facebook, etc. Et ils me demandent des nouveaux jeux, etc. Et donc ils sont toujours, ils sont restés vraiment très très liés. D'accord. Moi, je voulais reparler un peu parce que tu nous disais que maintenant tu te retournais, t'es en indépendant. Tu travailles plus sur des expériences urbaines, culturelles, le tourisme. Mmh. Et je voulais savoir ton rapport au jeu à travers les ARG qui jouent avec la réalité. Est-ce que ça t'apporte quelque chose justement pour cette pratique où le jeu n'a pas encore beaucoup de place, je dirais, en France, parce que les anglo-saxons ont souvent mis le ludique en première place dans le domaine culturel notamment, mais est-ce que toi du coup ça te permet d'avoir des clés différentes sur ton approche pour la culture ou le tourisme? Alors je comprends pas tout à fait la question. En fait, par rapport à ton expérience dans le jeu, en fait, si ça t'apporte vraiment une lecture différente pour aborder des questions, voilà, si tu dois travailler au niveau de la culture, au niveau du tourisme, pour les musées, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Donc, pour expliquer ce que je fais aujourd'hui, effectivement, le jeu Pokémon Go me sert beaucoup parce que les gens voient le succès que ça a eu, et donc ça aide à convaincre des décideurs qui ne sont pas forcément dans cette culture d'y aller en se disant bah oui si ça a marché. Alors après ça a marché aussi parce que c'était Pokémon, hein, il y avait toute une ancienneté autour de tout un univers, un bestiaire autour de Pokémon qui a facilité les choses, mais on voit bien que des centaines de millions de joueurs, c'est quand même pas anodin, donc ça veut dire qu'il y a une vraie demande pour de certains joueurs pour aller dans la réalité, pour rencontrer d'autres gens, pour aller dans l'espace réel, pour recréer finalement une réalité alternative dans l'espace réel, pour réenchanter, comme on dit souvent, le réel, la ville notamment, faire redécouvrir la ville autrement. Donc, on voit que ces outils permettent de le faire, et notamment avec l'arrivée de la réalité augmentée, avec la réalité virtuelle, bon, d'une autre façon, mais surtout la réalité augmentée, la possibilité de montrer des choses du passé, par exemple, de les superposer à l'espace réel. C'est des outils extrêmement intéressants, et c'est vrai que là en ce moment, par exemple, pour vous donner une idée, je travaille sur un très beau projet, très ambitieux, qui a été initié par le département de l'Aude, donc le pays Qatar, autour de une vingtaine de sites, de monuments, que ce soit des châteaux, des abbayes, des cités, comme notamment la cité de Carcassonne, etc. Donc de créer un immense récit qui relie tous ces sites, avec une période de l'histoire quand même très marquée par les croisades, l'inquisition et donc ce qu'on appelle les cathares, enfin le catharisme, et donc créer un récit grâce aux outils contemporains, géolocalisés, qui permet aux touristes d'avoir une lecture augmentée quand ils vont visiter un château qui est souvent en ruine, donc non seulement de pouvoir reconstruire ce château tel qu'il était à l'époque, de pouvoir le faire revivre avec des personnages autour de lui, et puis surtout de l'inscrire dans un récit qui fait que le gamin, quand il va dans le château, il comprend pourquoi ce château il est à cet endroit et pas un autre, pourquoi cette abbaye elle est construite ici et pas ailleurs, pourquoi qu'est-ce qui fait le lien entre tous ces sites. C'est fascinant, et c'est vrai que c'est des outils, la technologie là nous permet de raconter des récits et de permettre aux gens d'avoir une visite évidemment plus riche, plus vivante, plus ludique, et donc de redécouvrir l'histoire à travers ces outils-là. Mais c'est des choses finalement que j'avais déjà mis en place il y a plus de 10 ans avec Immemorial, avec Altmind. C'est toujours l'idée que on puisse créer de l'histoire à partir qu'on puisse découvrir des éléments d'histoire, de géographie, de culture, de littérature, etc., à partir de ces technologies, en plongeant le joueur dans une réalité alternée. Sur ces modalités de jeu type ARG, le mobile, ça change vraiment tout? Oui, ça change les choses, parce que le fait d'être géolocalisé va nous permettre, nous, en tant que concepteurs, de savoir qu'un joueur est à un endroit précis, et donc de lui adresser une information ou une mission précisément parce qu'il est arrivé à cet endroit. Donc de pouvoir prendre en compte son déplacement, la réalité physique du corps, du lieu, voilà. Donc c'est quelque chose qui ajoute une dimension par rapport au fait d'être seul face à son écran chez soi et de naviguer sur Internet. Donc le voyage est physique et souvent on se rend compte que les gens aiment jouer à ce genre de jeu. Là, on rejoint les jeux de rôle à plusieurs, même si pour l'instant j'ai pas travaillé sur des jeux multijoueurs. C'est un peu plus complexe à mettre en place, mais ils aiment partir faire une chasse au trésor à plusieurs en utilisant ces outils. J'ai fait par exemple une expérience à Saint-Malo, là, pas loin de chez vous, qui malheureusement n'est pas publique, puisque c'était pour un événement, et c'était pendant 2 jours. On a amené des enseignants c'était une initiation au transmédia, et donc des enseignants à partir dans une intrigue de 2 jours, et ils devaient donc se balader dans Saint-Malo, aller chercher des indices. Il y avait des personnages qui leur envoyaient des messages, etc. Et donc tout ça, pour dire que ces outils peuvent aussi être utilisés pour des enseignants. Et ça leur a beaucoup plu d'imaginer qu'ils pourraient eux-mêmes créer, parce que ça ne demande pas forcément des moyens extraordinaire de créer ce genre de jeu. C'est beaucoup moins cher que de créer un jeu sur console, puisque c'est souvent basé à partir de textes. Alors, il faut beaucoup se documenter, mais après, c'est du texte. C'est pas forcément des outils très compliqués, à part peut-être la réalité augmentée qui est plus touchy, mais sinon, c'est quand même des outils accessibles. Tu réévoquais là le transmédia. Je voulais juste revenir sur ce point. Est-ce que tu pourrais un peu plus le définir, déjà pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, et nous parler un peu de son rapport justement aux ARG, si c'est vraiment constitutif des ARG, et voilà. Le transmédia, en fait, finalement, tout le monde le connaît, c'est un peu comme Monsieur Jourdain avec la poésie. la prose. Tout le monde fait de la prose sans le savoir, et donc là, bah, tout le monde utilise, enfin tout le monde aujourd'hui finalement consomme, j'aime pas le mot consommer, mais pratique en tout cas le transmédia, parce que aujourd'hui beaucoup de séries télé ont des développements internet, on est dans beaucoup de licences connues aujourd'hui se sont développées de manière transmédia, que ce soit la série Assassin's Creed ou la série ou le film Matrix. On est dans des aujourd'hui les créateurs et surtout les jeunes créateurs, des gens alors, jeunes créateurs il est plus beaucoup aujourd'hui, mais enfin il reste encore jeune. J.J. Abrams par exemple est quelqu'un qui a beaucoup utilisé le transmédia dans Lost, dans des concepts plus confidentiels de livres augmentés qu'il a pu créer dans des voilà. Donc il a cette génération de créateurs utilise le transmédia de manière native, c'est-à-dire quand ils pensent à un projet, ils pensent pas à une œuvre et des produits dérivés, ils pensent transmédia parce que c'est une génération qui a grandi avec Internet. Voilà. Donc le transmédia, c'est pour le définir, c'est une façon de créer, si on est dans une histoire, en utilisant enfin plusieurs médias. Un, c'est pas transmédia, mais au moins deux ou trois minimum qui font que pour comprendre l'histoire, on va passer sur différents médias. Donc là, on a parlé tout à l'heure du mobile. Dans Altmind, on est à la fois on peut jouer sur ordinateur, sur tablette, on a une partie qui se joue sur smartphone, sur son mobile, on peut aller dans l'espace réel. Il y a des films, donc on est à la fois dans une web série, un jeu, un peu un mix entre les deux. Tout ça est connecté avec les réseaux sociaux en temps réel. Donc on est vraiment dans un univers qui utilise tous ces médias, on peut dire simultanément, pour raconter une histoire. Et je pense que l'avenir du divertissement, enfin, en tout cas d'une grande partie des arts du divertissement, va passer par cette rencontre entre le côté jeu vidéo, entre jeu de rôle, jeu vidéo, télé-réalité. On voit aussi que la télé-réalité évolue vers la fiction. Donc il est possible qu'il y ait des nouveaux formats qui apparaissent, qu'on commence déjà à voir, notamment aux États-Unis, où on mélange la fiction, la réalité, le jeu, voilà, et donc des espèces de dispositifs qui marie tous ces médias pour intégrer le joueur dans une histoire dont il peut être simplement le spectateur, comme dans les séries traditionnelles, ou alors, s'il s'engage plus, d'être joueur, interagir avec l'histoire, et voire même de devenir l'un des héros de l'histoire, c'est-à-dire de devenir l'un des personnages, si il s'engage encore plus, il peut devenir l'un des personnages. Et puis pour là. Puis pour le coup, effectivement, vous retombez sur vos pattes parce qu'on se rapproche effectivement considérablement des ARG. Mais il y avait une autre forme ludique un peu émergente que j'avais envie d'évoquer avec toi, Eric. C'est les escape rooms. Pour le coup, il y a aussi une proximité. Enfin, on se joue soi-même, on n'est Oui. pas spécialement un personnage. Il y a de la résolution d'énigmes. Enfin, je trouve pas mal de proximité avec tout ce qui est ARG et puis aussi avec des formes un peu transmédia. Où en plus on intègre l'objet et pas seulement l'écrit ou la vidéo. Quel regard tu portes sur ces formes ludiques-là? Je trouve que c'est un phénomène extrêmement intéressant que j'ai pu tester moi dans deux, trois endroits. Ce qu'il en ressort, c'est que souvent, donc ce qui est intéressant, c'est effectivement que ça plonge les joueurs dans une réalité, et je trouve que ce qui est intéressant, pour le coup, c'est là, non pas l'aspect communautaire, mais l'aspect collectif, hein, le côté intelligence collective, que j'ai vu souvent d'une manière assez étonnante se mettre en place dans ces formes de jeu, où on voit que ben, chacun prend son rôle, même si c'est pas forcément concerté, il y a de l'intelligence collective qui émerge de ça. C'est souvent les mêmes mécaniques de jeu, hein, du décryptage, trouver des objets dans des tiroirs. Enfin, on retrouve en fait la grammaire du jeu vidéo d'aventure classique. On la retrouve mais mise en scène dans des espaces réels. Il faut dire d'ailleurs que les escape rooms, avant d'être créés dans l'espace réel, ont été souvent un genre utilisé dans les jeux vidéo. Hein. Il y avait déjà des escape rooms virtuels bien avant qu'ils se mettent en place dans la réalité. Et donc, je trouve ça intéressant et ça fait partie de cette tendance que je vois émerger de jeux qui sortent, qui vont dans l'espace réel et dans la ville. La seule contrainte, je trouve, enfin, le seul inconvénient, c'est que souvent, j'ai remarqué que les joueurs dans ces espaces-là sont focalisés sur le gameplay proprement dit, c'est-à-dire que l'histoire passe au second plan, comme d'ailleurs dans beaucoup de jeux, mais dans les ARG, moi, souvent, des gens m'ont dit, j'ai eu des moments extrêmement forts où j'ai été effrayé, j'ai même pleuré à certains moments, enfin j'étais au bord des larmes, voilà. Donc il y a une dimension narrative que permettent les ARG que je retrouve pas forcément encore, mais ça viendra, hein, mais encore aussi bien suffisamment travaillé dans les escape rooms. Mais je pense que ça viendra et c'est une dimension qui va sans doute apparaître progressivement. Tu parlais de tendance, j'en ai une qui me vient à l'esprit, je ne sais pas si on peut appeler ça tendance, mais je vois de plus en plus se développer des communautés qui essayent de protéger leurs données, les crypto-parties qui se développent de plus en plus, ce genre de choses. Je me dis, est-ce que tu as déjà eu des craintes évoquées par des joueurs ou des problèmes justement, parce que là on parle de joueurs qui jouent en tant que personnes, qui donnent leur mail, leur téléphone, donc des données personnelles. Est-ce que c'est pas difficile à gérer à ce niveau-là? Non, ça n'a jamais été un... Non, peut-être qu'aujourd'hui c'est quelque chose auquel les internautes sont beaucoup plus sensibilisés, mais même à l'époque d'Alpine, donc c'est encore récent, il y a 4 ans, c'était pas une barrière. C'était plus le fait d'avoir peur d'être dérangé ou d'être réveillé en pleine nuit par un appel. C'est plus ça qui effrayait certains joueurs qu'on ait accès à leurs données personnelles et qu'on puisse les revendre, etc. Donc non, pour l'instant, enfin c'est pas quelque chose. Qui est une barrière pour le développement de ce genre de dispositif ou de jeu. Autre barrière qui peut se lever aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on ne peut plus jouer à Inmemorian puisque oui. Les serveurs sont arrêtés, que pour le coup, il n'y a plus de gros barbus pour répondre aux emails des joueurs. C'est des jeux qui demandent un investissement considérable de la part du studio pour donner cette sensation de réel aux joueurs, surtout si la masse de joueurs devient importante. Oui, alors c'est vrai que c'est un des problèmes de ces jeux-là, c'est qu'ils ont une durée de vie limitée, même s'ils sont pas en temps réel, puisque Inmemoriam n'était pas en temps réel. On peut plus jouer à Inmemoriam. Alors il y a des gens qui ont publié des vidéos, donc si vous voulez savoir ce que c'est, soit vous allez sur mon site, parce que je les ai publiés, soit vous les trouvez en tapant une mémoriam, mais vous allez tomber sur des joueurs qui, pour comprendre ce que c'était cette expérience. Mais malheureusement, c'est le cas de beaucoup de jeux, hein, qui se jouaient il y a 20 ans sur des consoles. Si on n'a pas gardé la console d'origine, on peut plus y jouer. Donc, mais là, c'est pas juste une question de console. Oui, là, c'est pas qu'une question de console, parce que même si vous avez le PC, il y a plus les sites sont plus en ligne, le serveur est plus là, donc c'est effectivement un problème. Et moi, ça me touche beaucoup en tant que créateur de dire aux gens, malheureusement, tu peux plus y jouer, quoi. Voilà, ça fait partie des dures réalités de notre métier de créateur de jeux un peu bizarroïdes, quoi. Et est-ce qu'on peut se prendre à rêver à une sorte de rétro gaming des ARG où on développerait des gameplays à base de cassettes audio et vidéo, de fax, de Minitel? Je sais, non, ça me paraît compliqué, mais en revanche, refaire un Inmemoriam sur tablette, j'y pense depuis quelques années, et je me dis, ça pourrait... Ça n'a pas vieilli en plus et ça pourrait valoir le coup. Je dois avoir les sources quelque part, mais bon, il faut un peu d'investissement quand même pour développer tout ça, remettre les sites en ligne, etc. Voilà. On relaie l'appel. Je vois que voilà, on enregistre depuis bientôt une heure et donc on va pouvoir arriver à notre question conclusion. On a pris l'habitude cette saison de demander à nos invités leurs expériences de jeu et du coup voilà, c'est ton tour. Est-ce que tu peux évoquer ta dernière expérience de jeu marquante que tu as pu avoir, que ce soit un jeu à smartphone, un jeu de société, un jeu de rôle, qu'importe, mais quelque chose là qui te viendrait à l'esprit quand on parle de jeu? Alors moi, je joue beaucoup, ce qui m'intéresse, c'est les expériences de jeu. Je finis rarement les jeux, ça m'arrive, hein, mais c'est quand même assez rare parce que j'ai pas beaucoup de temps aussi. Mais ce qui m'intéresse, c'est de tester des nouvelles expériences. Donc, je suis pas mal fan de tout ce qui est jeu indépendant. Donc, je teste beaucoup de petits jeux, des choses soit sur smartphone, soit sur console. Je joue plus sur PC ou Mac. Voilà, donc je suis plutôt un joueur console. Et du coup, récemment, The Last Guardian, qui a été que j'ai d'ailleurs pas encore terminé, je prends mon temps, j'y joue de temps en temps et j'avance progressivement. Et voilà, c'est sûr que c'est une claque parce que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Fumito Ueda, qui est un des plus grands créateurs de jeux à mon sens, malgré le fait qu'il ait fait que 3 jeux. Mais ces 3 jeux sont marquants à chaque fois, même si c'est se ressemble d'ailleurs. Mais et voilà, et The Last Guardian, c'est juste incroyable, quoi, d'être dans cet univers et cette bestiole immense. D'ailleurs, je rêve de pouvoir. Je comprends pas d'ailleurs qu'il y ait pas davantage pensé pouvoir y jouer en VR, parce que les décors sont fabuleux, ils sont vraiment on pourrait imaginer des décors à 360 degrés. Cette immense bête qui faut souvent, enfin, qu'on aurait envie de voir d'un mouvement de la tête, donc, qui est souvent coupé par l'écran. Il faut souvent, ça, c'était la dernière expérience marquante à laquelle j'ai pu jouer. Et puis je suis beaucoup aussi ce qui se passe en réalité virtuelle. J'ai pas encore vu quelque chose qui m'a donné comme ICO d'ailleurs à l'époque, toujours pour rester par rapport à Ueda. ICO a été à la fin des années 90 sur PlayStation 2, c'était la claque qui m'a fait prendre conscience que le jeu était, pour le coup, là, on avait une œuvre d'art à part entière qui m'a énormément touché. Et j'ai pas eu encore en VR le truc qui m'a fait prendre conscience. Alors, j'ai eu par contre l'expérience de la VR qu'ont ressenti beaucoup de gens qui l'ont testé, c'est-à-dire ce côté waouh, la première fois qu'on met un casque. Donc, quand j'ai testé les premiers Oculus, il y a quelques années, waouh, ça a été la révélation qu'il y avait quelque chose, un nouveau pas a été franchi. Mais j'attends d'avoir la killer app ou le jeu. Alors, j'ai pas testé, ceci dit, peut-être que vous l'avez fait, le Resident Evil qui est sorti en VR, qui paraît être assez bien fait. Voilà, je sais pas si vous, de votre côté, vous y avez joué. Non, on l'a testé ni l'un ni l'autre. Moi, je suis pas très très client de cette série-là. Je voyais que Fanny faisait des grands mouvements de la tête. Non, je suis facilement impressionnable. J'ai joué pas mal de jeux d'horreur et tout ça, mais à chaque fois, je finis sous mon bureau parce que je suis terrorisée. Donc voilà. Forcément, en VR, ce serait encore pire. Et ben, Eric, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. On était très heureux de te recevoir et puis on était très heureux de t'écouter raconter ton parcours, tes expériences et tes points de vue qui sont vraiment riches. Merci aux auditeurs, bien évidemment, de nous avoir suivis. Vous nous connaissez, on se retrouve dans 15 jours à nouveau pour parler de jeux, à nouveau avec des gens très intéressants, parce que on n'interviewe que des gens très intéressants. Et puis d'ici là, n'oubliez surtout pas de jouer. We'll be right back.